réapparaît à cœur ouvert, le mental lourd plein d'amertume. Sans refrain, texte clair, j'arrêterai pas ma plume. J'ai l'intérieur qui se consume, genre un peu marre de tout. Moment de faiblesse, c'est clair, cette fois j'avoue. Juste envie de décrire pour extérioriser ma peine. Mon outil utopique pour cisailler un peu mes chaînes. Il est où le problème? Mon amour me dit toujours, ta carte la joue et carte James, c'est la vie. Mais mon amour, parfois la coupe est pleine. Je me sens mourir chaque jour, demain je me bats. Mais là j'ai le mental lourd, un peu le recueil d'un con qui a besoin de se lâcher. Tu vois je comprends plus rien, même de moi je suis dégoûté. Tu es ma seule force, moi les enfants vous êtes tout. Les sirènes sourient, je t'avoue que Rouen est à genoux. Le monde obscurcit mon âme, tu sais tu comprends pas. Plus beau quand j'éteins des flammes, quand j'écris je ne suis pas. Je suis un écorché gif, toujours par sombre en moi. Une obscure solitude, même entouré tu comprends ça. Je veux pas te faire comprendre que je suis un faible, un lâche. Seulement qu'à 29 ans il y a la vie qui me lâche. Je lâche pas même si le monde me dégoûte. Je me battrai contre le cancer et tout ce qui barre ma route. C'est une lettre, c'est une arme qui jaillit de mon stylo. Tu vois une trêve mes armes, je les pose pour ce flot. Y'a pas plus poète que moi, pour plomber c'est vrai. Prends ces textes, ces lettres comme une face cachée de moi. Je suis un engagé, un fou, personne qui dérange. Qui claque des vérités et qui repart en disant tiens mange. Souvent détesté, rarement apprécié. Je m'entoure de minorités et me fous de la popularité. Je pense pas être un mec bien, encore une fois je l'avoue. Mais pour l'amour des miens je ferai tout car c'est un coup qui m'est cher. Ma seule raison d'exister, de résister, de vivre et de survivre tu me connais. De survivre tu me connais. De survivre tu me connais. De survivre tu me connais. À mon bonheur je mets souvent un mais. Je suis pas un déprimé, aucun psycho peut me comprendre. Aucun livre, aucune étude de roi n'en peut apprendre. Non, non, on peut pas m'apprendre. Pour me cerner, faut me connaître. Pour me connaître, faut me survivre. Mes sourires, je les donne à peu de personnes. Je vois toujours le pur et suis le méfiant de toute personne. Reynald est un naïf dans le paradoxe, le roi n'est vif. M'approche du nouveau jour en accord avec moi-même. Car si proche de la mort, je me dois d'éviter le dilemme. J'ai trop gâché ma vie, et souvent celle des autres, entre autres. C'est ma dernière excuse, j'arrêterai pas le rap, même si parfois ça m'use. Pour toi c'est pas de la musique, pour moi une part vitale. Un rythme cardiaque, comme elle est radical. Une source de problèmes, mais souvent c'est radical. Dis-toi que Rouen c'est sombre, mais que c'est mon mental. Ma conscience, ma substance, une part de moi-même. Un être est parfait, mais j'espère un être t'aime. Ah ouais, c'est vrai, on parle pas d'amour dans le rap. Le cliché c'est banlieue, tu les craques. Mais tu vois mon ange, ma culture c'est ma vie. Une mélodie où je peux te dire que t'es ma vie. Un satané miroir où on me regarde dans les yeux. Un souvenir, souvenir, tiroir. Un souvenir, un tiroir que tu peux ouvrir quand tu veux. Un souvenir, un tiroir que tu peux ouvrir.